Chapitre 11e. Il faut rendre cette justice à M. Joe Blanquet, qu'il ne perdait jamais son flegme britannique. On vous a volé? Et puisque vous êtes de la police, Mr. Korf, vous retrouverez sûrement les voleurs. Mais vous devez avoir froid. Nous allons prendre un taxi. Il n'est pas tard. Nous serons vite à la préfecture de police. À la préfecture? Jérôme Korf eut un sursaut. Vous vous moquez de moi, je pense, gronda-t-il, hors de lui. Je me demande, oui, je me demande si vous n'êtes pas de mèche avec tous ces misérables bandits, si j'étais quelque chose. Ne vous excitez pas, monsieur Korf, vous allez prendre un froid et chaud. Venez, vous êtes vraiment dans une tenue indigne d'un honorable détective français. Nous prendrons un taxi et nous irons chez vous. En chemin, nous causerons. J'ai beaucoup à vous dire et je suis persuadé que de votre côté, vous devez pouvoir me renseigner beaucoup. Korf s'était un peu calmé, le froid aidant. Vous avez raison, acquiesça-t-il, mais vrai de vrai, si jamais. Allons. Je suis à votre disposition, déclara l'anglais. Tous deux, à pas rapide, regagnèrent le haut du quai et furent assez heureux presque aussitôt pour rencontrer un taxi, dont le chauffeur consentit à les prendre. « 13 terres, une au lait !» ordonna Korf. Le chauffeur, avant d'obéir, regarda Joe Blanquet. « Oui, 13 terres, une au lait !» répéta le détective britannique, qui, se penchant vers le chauffeur, ajouta. « C'est un pauvre malade. Il a eu un accès de fièvre chaude et est descendu dans la rue. »« Eh bien, il est douché, alors !» goguenarda le chauffeur, en faisant allusion à la pluie qui venait de redoubler d'intensité. La portière refermée, l'auto fila à travers les rues désertes et obscures. Comment avez-vous découvert ce repère, monsieur Korf? Commença aussitôt Joe Blanquet. Mais d'abord, il me semble que c'est à moi de vous interroger, monsieur Blanquet, rétorqua l'inspecteur de la sûreté. L'autre fois, vous m'avez semé à la porte de la morgue, d'une façon plutôt impolie, je peux le dire. Et depuis, nous nous sommes demandé ce que vous étiez devenu. Je suppose que vous allez me renseigner là-dessus. Il y eut un petit silence. Joe Blanquet sans doute réfléchissait. Yes. Ouf, je vous ai quitté un peu vite parce qu'il m'avait semblé voir William Grant dans une voiture. Je ne voulais pas vous le dire, vous comprenez, j'aime à opérer moi-même. Je suis parti à sa poursuite. Ah, je peux dire qu'il m'a donné de la peine. Comment dites-vous? Du fil à retordre? À retordre. Je n'ai toujours pas revu mon aide, monsieur Harrison. Pas plus que Calcott et Hempster. Mais j'ai reçu un pneumatique que je crois avoir été envoyé par Harrison hier et qui me conseillait de surveiller un certain Argoulian, marchand de diamants et de perles. Un pneumatique écrit à la machine à écrire, interrompit Korf. Yes, comment savez-vous? J'en ai reçu un moi-même me conseillant d'aller à l'hôtel au Gigantic Palace où j'ai trouvé dans une malle le futur gendre d'Argoulian. Un nommé Piebald, qui tout à l'heure voulait me faire manger les yeux par des fourmis et me noyer. Heureusement que j'ai été sauvé par un individu bizarre. Ils étaient trois, précisa Joe Blanquet. Argoulian, son gendre et un ami d'Argoulian. Vacariades, lequel est-ce qui vous a sauvé? C'est Vacariades. Qu'est-ce que c'est que ce Vacariades? Un courtier en pierre précieuse. Ah. Oui, j'ai suivi Argoulian, je suis arrivé ici derrière lui, et il est venu deux autres individus, puis un quatrième qui s'est jeté à l'eau. C'était moi. Ah, très bien. Je me disais aussi, quel est ce nouveau gibier? Je comprends maintenant. Et vous dites qu'un des trois individus vous a délivré? Oui, fit brièvement Korf, que la remarque de son collègue britannique avait vexé. Vous les aviez suivis, vous aussi? Naturellement. J'avais suivi Piebald, mais j'étais loin de me douter. Korf s'interrompit au moment où il allait avouer qu'il s'était laissé rouler par le fiancé de Sonia Argoulian. Oui, je ne me doutais pas, quand j'ai subi cette agression, que je serais ainsi délivré. C'est étrange. Vous n'avez pas d'indice sur l'identité du personnage? Aucun, assura Korf, qui se souvint soudain que le mystérieux Triplix lui avait conseillé de se méfier de Joe Blanquet. En somme, où en êtes-vous? Questionna l'anglais. Et vous-même? Oh, je ne savais pas grand-chose. Peut-être qu'Harrison, s'il vit encore, pourrait me renseigner, soupira Joe Blanquette. Espérons que vous le retrouverez, fit Korff. Maintenant, poursuivit-il pour changer de conversation, je vais m'habiller chez moi. J'irai ensuite à la sûreté, et je suppose que vous m'y accompagnerez. Je suis certain que le chef sera très heureux de vous voir. Korff appuya sur ces derniers mots. Oui, je viendrai, mais je regrette de penser que je ne pourrai guère être utile à l'enquête. Ah, si Harrison me rejoignait! Mais je n'ai plus du tout de ses nouvelles. Joey Blanquette soupira. Korff lui lança un coup d'œil de coin en pensant. Toi, mon vieux, tu en sais plus que tu en dis, et tu as voulu me tirer les vers du nez. Mais tu peux toujours courir. Quelques minutes s'écoulèrent. Le taxi, roulant à toute allure dans les rues désertes, avait atteint la place Clichy. La rue Biot dépassée, il s'engagea dans la rue Nollet et, presque aussitôt, s'arrêta. Payez le chauffeur, je vous rendrai cela chez moi, fit Korff, pourvu que ma concierge ne me voie pas. Il descendit de voiture et alla sonner à la porte de l'immeuble. Tout se passa bien. Le battant s'ouvrit aussitôt. Korff suivit Joey Blanquette, franchit le seuil et cria son nom. Il y a un mot pour vous qu'une dame est venue apporter il y a quelques minutes, lui cria la concierge. Korff, qui ne se souciait pas de se laisser voir dans la tenue sommaire où il se trouvait, répondit. Merci, madame Tronchier. Je redescends tout de suite. Vous me le donnerez. Joey Blanquette avait allumé son briquet. Les deux hommes en silence montèrent les 5 étages de l'inspecteur de la sûreté. Korff, arrivé sur son palier, lâcha un chapelet de blasphème. La porte de son appartement était entr'ouverte. On m'a cambriolé, maugréa-t-il, tous les bonheurs. Vous en êtes sûr? Peut-être avez-vous laissé votre porte, susurra Joey Blanquette. Jérôme Korff était dans un état d'exaspération tel qu'il ne répondit même pas. D'un coup de pied, il poussa le battant et franchit le seuil. Ayant tourné le commutateur d'une lampe électrique, il constata d'un regard l'étendue du désastre. Les cambrioleurs, six cambrioleurs il y avait, ne s'étaient pas contentés de fouiller les meubles. Ils avaient rayé les glaces, éventré le capitonnage des sièges, crevé les toiles des tableaux, lacéré rideaux et tentures. Les livres et documents renfermés dans la bibliothèque de l'inspecteur de la sûreté avaient été lacérés, déchirés, arrachés. L'encrier posé sur son bureau avait été renversé sur le tapis. Rien n'avait été oublié par les vandales. Korff, immobile, au milieu de la pièce qui lui servait à la fois de bureau, de salle à manger et de salon, jetait autour de lui des regards fous. Pourtant, si tragique que fût la situation, le pauvre garçon, en se voyant soudain dans une glace, faillit éclater de rire. Il était grotesque avec son caleçon souillé de boue, ses chaussettes trouées, sa chemise humide, ses cheveux embroussaillés. Il se ressaisit. Si jamais je le tiens, celui qui a fait cela, gronda-t-il. Ah, ce n'était certainement pas un gentleman, observa Joey Blanquette avec le plus parfait sang-froid. Ni un ambassadeur, ricana Korff, qui, passant dans sa chambre à coucher, entreprit de chercher des vêtements parmi les hardes et le linge étalés sur le plancher. Il finit par trouver un complet à peu près en bon état, une chemise et un caleçon. Il fit une rapide toilette, endossa le tout, et ayant repris un aspect plus présentable, entreprit de se rendre compte de ce qui s'était passé. On a crocheté votre porte, remarqua Joey Blanquette. Et les voleurs, car ils sont plusieurs. Plusieurs, fit Korff. Oui, ils ont changé de place votre armoire, qui est très lourde. Je le vois au crochet qui la retenait à la muraille. Or, un homme si fort fut-il n'aurait pu exécuter cette opération à lui seul sans faire de bruit. C'est pourtant vrai. Oh, je ne me trompe jamais, assura le détective britannique. Je dis donc que les voleurs ont agi dans un double but. Vous enlever les documents et se venger de vous. Laissez-moi voir un peu. Ah ah! Joey Blanquette avait atteint la serrure de la porte d'entrée. Le verrou et la serrure sont intacts, murmura-t-il. Une serrure de sûreté. Ils avaient les clés. Vos clés. Elles étaient dans vos vêtements, hein? Oui, elles y étaient. Et naturellement, les voleurs se sont introduits ici, il n'y a pas longtemps, tandis que l'un d'eux amusait la concierge en lui remettant la lettre dont on vous a parlé. L'autre montait directement. Vos voleurs, ce sont Argouillon et compagnie. Moi, je change d'hôtel tous les soirs. Et ils n'ont même pas pris le soin de refermer votre porte, de sorte que d'autres gentlemen indélicats ont pu, s'ils l'ont voulu, achever de « Ah, c'est !» comme la Corfe que ces explications si plausibles fussent-elles enrageaient. Demain, nous verrons cela. Venez avec moi à la sûreté. Je n'aime pas me coucher tard, monsieur Corfe, et je ne sais si je trouverai de la place dans un hôtel. Mais vu les circonstances, je suis à votre disposition. Corfe ne répondit pas. Les deux hommes sortirent du petit logement. Le policier en referma la porte et ils descendirent. En bas, Corfe se fit donner la lettre en question par la concierge. Il la lut à la clarté du briquet de Joe et Blanquette. Elle contenait ces deux mots, formés à l'aide d'un assemblage de lettres découpées dans un journal. Dernier avertissement. Corfe, sans mot dire, fourra le papier dans sa poche. Joe et Blanquette ne posa pas la moindre question. Il avait lu lui aussi la courte missive. Les deux policiers, ayant gagné la place Clichy, prirent le métropolitain qui les conduisit en quelques minutes au quai des Orfèvres. Bien que les horloges marquassent minuit lorsqu'ils y furent, Monsieur Serpier, qui venait d'arriver après une perquisition exécutée dans un tripot, était encore dans son cabinet. Il reçut immédiatement les deux hommes. Corfe, le plus rapidement qu'il le put, fit le récit de ses aventures, ou plutôt de ses mésaventures, jusque, et y compris le cambriolage dont il venait d'être la victime. Monsieur Serpier ne fit pas la moindre observation. Et vous, monsieur Joey Blanquette, qu'avez-vous de nouveau? Questionna-t-il à l'anglais. Rien, rien que des pistes très vagues, il faut que je les vérifie avant de vous donner des certitudes, monsieur le chef de la sûreté. Le secrétaire du professeur Heyman vient de mourir, fit monsieur Serpier. Et les caractères tracés sur les papiers saisis sur votre sosie, monsieur Blanquette, et sur le jeune Piébal, ne signifient rien ou peu de choses. Je vais vous les montrer. Monsieur Serpier ouvrit le tiroir de son bureau et, après avoir cherché pendant quelques instants, attira à lui une enveloppe de papier jaune. Voilà l'affaire, dit-il, et il plongea ses doigts dans l'enveloppe. Elle était vide.